Aujourd'hui, c'est dimanche. D'habitude, Léo aime bien le dimanche parce que papa ne travaille pas. Il prépare le repas de midi et Léo a le droit de l'aider. Papa lui montre comment faire et ensuite, il se débrouille comme un chef. Mais aujourd'hui, Léo est tout seul parce que papa et maman sont allés voir ses frères jouer au rugby. Enfin, pas vraiment tout seul. Sa mamie est venue le garder. Elle s'appelle Monique, mais tout le monde l'appelle mamie. Elle est très gentille, mais elle reste tout le temps devant la télévision et Léo s'ennuie. « Mamie, mamie, on joue à cache-cache ?»« Non, Léo !»« Mamie, mamie, on joue aux voitures ?»« Mais tu vois bien que je suis occupée. Va jouer dans ta chambre !» Léo traîne les pieds et souffle en montant les escaliers. Sa maman lui dit tout le temps de ne pas souffler, mais là, Léo est fâché. Et puis, maman n'est pas là, alors ça compte pas vraiment. Devant sa chambre, il y a la pièce de papa. On l'appelle comme ça parce que papa dit toujours qu'il ne sait pas encore ce qu'il va faire dedans, mais qu'il va bientôt s'en occuper. Maman rigole en disant « Mais oui, bien sûr, mon chéri, tu vas t'en occuper à la Saint-Glinglin de ta caverne. » Léo ne sait pas quand c'est la Saint-Glinglin, mais ça doit être dans longtemps parce qu'il a toujours connu la pièce de papa. Il n'a pas le droit de rentrer dedans quand il est tout seul. Maman lui a dit « Il y a plein de choses là-dedans, c'est dangereux, Léo. » Une caverne? Dangereux? Léo a une idée. Il va partir en exploration. Mais avant, il doit demander la permission. Il doit toujours demander à un adulte avant de faire quelque chose. « Mamie ?»« Quoi, Léo ?»« Je peux jouer dans la caverne ?»« Dans la caverne ? Qu'est-ce que tu racontes ?»« Oh, et puis d'accord. » Vas-y, va jouer dans ta caverne. Génial. Léo file dans sa chambre préparer son sac d'explorateur. Déjà, la casquette. Tous les explorateurs ont un chapeau. Ensuite, il met dans son sac à dos. Nanin, son lapin, parce que lui aussi aime les aventures. Des crayons s'il doit dessiner une carte. Des jumelles pour voir au loin. Et une petite lampe torche qu'il a gagnée à la foire cet été. Parce que les explorateurs aussi ont peur du noir. Il est prêt pour l'aventure. Devant la porte, Léo a un petit peu peur parce que ses frères lui ont dit qu'un ogre vivait à l'intérieur. Bah oui, idiot, les ogres, ça vit dans les cavernes. Papa dit que ce sont des mensonges pour lui faire peur, mais quand même. Léo retient son souffle et ouvre la porte. Ça y est, l'aventure commence. La grotte est sombre. Il sort sa torche pour éclairer. À peine allumée, et plein de chauves-souris s'envolent en criant. Heureusement que Nanin est là. Avec lui, Léo n'a jamais peur. Grâce à la lumière, il découvre enfin ce qu'il y a autour de lui. Il y a plein d'objets partout. Il est émerveillé et décide de commencer l'observation. Première étape, faire une grande croix sur le sol avec ses crayons. Il a vu ça dans une histoire. S'il se perd, il n'aura qu'à suivre les croix pour retrouver son chemin. Il avance prudemment et découvre une rivière pleine de crocodiles. Il les entend grogner. Léo prend son élan et saute le plus loin possible. Il arrive de l'autre côté. Ouf ! Il a eu chaud. Il fait sa deuxième croix sur le sol. Un peu plus loin, il y a un grand trou avec des pics et Léo doit traverser sur une planche en bois. La planche est toute petite. Il met un pied devant l'autre, tout doucement. Il se concentre pour ne pas tomber. Mais ça y est, il est passé. Il se retrouve alors nez à nez avec une montagne. Elle est gigantesque. Il n'arrive presque pas à en voir le bout. Il ouvre son sac. Heureusement qu'il a pensé à ses jumelles. Il regarde tout en haut et aperçoit une malle. C'est le trésor! Il fait une troisième croix sur le sol et commence la montée. Nana est resté en bas parce qu'il a le vertige. Ça veut dire qu'il a peur d'être en hauteur. La montée est difficile et le vent souffle très fort. Léo commence à avoir un peu peur, Mais il est presque arrivé. Il a deux doigts de toucher le trésor. Il se penche quand tout à coup, Léo tombe de la montagne. Ah ! Boum ! Fini l'aventure. Léo est par terre en bas de l'échelle, sa jambe lui fait très mal et il hurle « Mamie !» Mamie arrive en courant et elle appelle directement les pompiers. Résultat, une jambe cassée et deux punitions. Une pour être rentré dans la pièce de papa et une pour avoir dessiné des croix sur le sol. Maintenant, Léo a la jambe dans le plâtre et il doit rester tous les jours avec mamie à la maison. Elle n'a plus confiance et il doit rester avec elle dans le canapé. Promis, il réfléchira beaucoup plus avant de repartir à l'aventure.